plutôt que de démarrer sur cette pseudo-spontanéité, je demandais à Claude-Henri, tiens, donne-moi un titre, écris-moi comme un synopsis, plusieurs choses. Un peu comme un musicien qui improvise, et puis il a envie de dire, bah, donnez-moi une couleur, je vais voir qu'est-ce que ça va me faire faire. Et du coup, je vais peut-être jouer autrement. Parce qu'après, sur la spontanéité, on a l'impression qu'on tourne un peu en rond. Alors que là, de décaler un petit peu, on s'est dit, tiens, ça peut être rigolo. Et ce qui est étonnant, c'est que de la façon dont il a écrit par notre relation, je trouvais que c'était la première fois où je lisais quelque chose qui correspondait à la danse. Parce que d'habitude, on pourrait lire ce qui est écrit de manière très littéraire ou journalistique. Là, je trouvais qu'il avait trouvé un peu comme le scénario pour le film, c'est-à-dire que c'est une Une écriture forme spécifique, particulière. voilà. Et là, je trouvais ça incroyable. J'ai dit, tiens, je lisais et j'avais envie de faire des mouvements. Je me disais, ça, c'est précieux parce que du coup, c'est pas du baratin, c'est vraiment quelque chose qui me nourrit directement. Et ces textes-là, on les appelait les textes martyrs parce qu'en fait, ils ne servaient pas, on les entendrait pas. Et de temps en temps, moi je les lisais, il voulait pas parce que c'était vraiment des choses qui étaient des béquilles en fait pour s'appuyer, pour faire autre chose. Alors que moi je trouvais qu'ils étaient intéressants à entendre parce qu'ils avaient cette formidable épaisseur, c'est-à-dire que tout à coup on voyait la gestuelle. Alors que par exemple, quand je lisais soit chez Cocteau, soit chez d'autres, ou quand ils ont écrit des ballets, même Céline, quand ils ont écrit des ballets, c'est très littéraire en fait. Moi je trouve qu'on ne peut rien en faire. Enfin, on est obligé Faire de. l'argument. Ouais, on fait un argument, n'importe lequel aurait été bon en fait. Donc ce n'est pas une écriture spécifique, comme un scénario de film indique les images. Là, il indiquait la danse. Mais je pense qu'il le faisait naturellement, enfin il va peut-être le dire, mais c'était pas théorique, c'était vraiment le fruit de cette collaboration. Si bien que moi je me suis, après j'adorais faire ça, lui demander des textes comme ça, parce que ça, du coup ça n'empêchait pas cette spontanéité, Au contraire, et au ça contraire ça l'a ressourcé, et encore une fois, après il intervenait en regardant, parce que après, c'est comme le montage, il faut que les séquences s'articulent bien, qu'elles soient pas trop longues, pas trop courtes. Et puis souvent, après, je lui redemandais des textes, mais des textes, alors du coup, qui n'avaient rien à voir avec le premier texte, qui venait comme une musique sur une autre chose. Donc voilà, du coup, j'ai l'impression que de cette spontanéité, en fait, on a essayé de l'analyser pour la canaliser De la cadrer pour dans et je pense que ça devrait être dans des archives. Et on voulait trouver un nom, comme on avait dramaturge, on voulait dire qu'est-ce que c'est, parce que synopsis, c'est pour le cinéma, hein, il doit y avoir des mots qui pourraient correspondre en fait à l'écriture pour le mouvement en fait, qui n'existe pas, parce que souvent on se sert de l'écriture pour traduire du mouvement, mais c'est pas la même racine. Il y a un exercice enfin, Jean-Claude a fait allusion à un spectacle. C'est vrai que ce spectacle-là, il était par rapport à ce qu'il est en train de raconter sur les textes préalables à la danse. Ce spectacle était finalement très pédagogique. Ce que je ne voulais pas voir, mais j'avais tort, c'est-à-dire qu'en fait, il lisait, d'ailleurs, c'est toi qui les lisais. Le texte matériau, les fameux textes martyrs, qui pour moi n'étaient vraiment que du matériau, donc pas destiné au public. Jean-Claude a beaucoup insisté pour qu'on les entende, et après il y avait de la danse. Et c'est très intéressant pour expliquer cette chose extrêmement difficile qui est un peu au cœur de ce que vous demandez, c'est-à-dire que quel rapport il y a vraiment entre texte et danse? Bien entendu, la danse qui suivait n'était pas illustrative. Donc il y avait une sorte de lien plus ou moins distendu entre le texte et la danse. C'est-à-dire qu'on pouvait, à la suite de certains textes, se dire, ah ben oui, forcément. Et puis on s'apercevait au bout de 3 demi-secondes que non, c'était pas ça, on s'était trompé. Donc ce jeu extrêmement, je parlais d'oscillation, voilà, cette chose un petit peu imperceptible qui fait que le texte est à distance de la danse, conduit à la danse, mais n'est pas une illustration, en tout cas la danse n'est pas une illustration du texte, permettait en un spectacle de bien faire comprendre, je trouve, comment ça marchait, même beaucoup plus facilement que toutes les explications même qu'on peut donner nous, parce que c'est difficile à raconter comment les deux s'articulent. Alors nous, on essaye toutes les variations, toutes les variantes, mais ce type de spectacle était vraiment très très bien pour ça. Ça joue, ça montrait comment ça joue, comme ça, de manière même qui nous échappe, entre un texte qui a conduit à la danse, parce que c'était ça, normalement, ce texte-là avait conduit à cette danse-là. Parfois, on avait l'impression qu'on pouvait comprendre comment il l'avait conduit à cette danse-là, et puis, la fois d'après, donc le spectateur pouvait se dire « Ah oui, ça y est, je commence à comprendre comment ça marche », et puis, juste après, on avait un texte qui avait l'air de ne pas conduire du tout à cette danse-là. Donc les gens se disaient « Mais alors, attendez, comment ça marche ? Si c'est pas au niveau du sens, par où ça passe ? Si c'est pas le sens qui est contenu dans le texte qui conduit à une danse qui a du sens, comment ça fonctionne ?» Et ce type de spectacle-là, qu'on appelait les bliques, ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle comme ça, eh bien, ça permettait d'être extrêmement pédagogique et en même temps un spectacle qui était un vrai spectacle. Les bliques. Vous allez créer... BLIK. BLIK. Il y a eu Blic autour de soi, et puis je ne sais pas, il y en a eu plusieurs. Oui, c'était un genre, quoi. C'était l'idée de ce genre-là, de dire ces textes, et puis de voir la danse tout de suite après.